j'étais qu'un pion sur l'échiquier? Et si j'étais un stylo étoile papier? Et si j'étais là rien pour te faire chier? Et si j'étais la merde sur ton palier? Et si j'étais en guerre contre les alliés? Et si j'étais le dieu que t'as si souvent prié? Et si j'étais le cauchemar qui t'a réveillé? Et si j'étais l'orgasme quand t'as éjaculé? Et si j'étais la première meuf que t'as violée? Et si j'étais un gosse qui se faisait tabasser? Et si j'étais la balle qui t'a assassiné? Et si j'étais le prêtre que t'as sucé? Et si j'étais le boss de ton quartier? Et si j'étais la race à exterminer? Et si j'étais le sida et toi le contaminé? Et si j'étais le sauce qui t'a balancé? Et si j'étais la coque et toi l'intoxiqué? Et si j'étais la tumeur dans ton cervelet? Et si j'étais les larmes à chaque fois que je chialais? Et si j'étais le point de chute de toute finalité? Et si j'étais l'alcool et que je devais te supporter? Et si j'étais un autre et que personne ne le savait? Et si j'étais la haine que t'as emmagasinée? Et si j'étais l'amour et que tu m'as jamais touché? Et si j'étais un crime contre l'humanité? Et si j'étais George Bush dans son canapé? Et si j'étais Chirac et que j'en rigolais? Et si j'étais le temps qui accélérait? Et si j'étais le meurtrier de ton fils aîné? Et si j'étais de la nourriture avariée? Et si j'étais les remords et les regrets? Et si j'étais la folie en liberté? Et si j'étais un stylo étoile papier? Mais je suis qu'un pion et ça c'est l'échiquier. Et si j'étais qu'un pion sur l'échiquier? Et si j'étais un stylo étoile papier? Et si j'étais là rien que pour te faire chier? Et si j'étais la merde sur ton palier? Et si j'étais la guerre qui allait se déclarer? Et si j'avais toujours quelque chose à raconter? Et si je passais mon temps à t'insulter? Et si le malheur des autres me faisait marrer? Et si j'avais envie de faire de la variété? Et si j'avais que ça à faire de rapper? Et si déjà je savais rapper? Et si je voulais dormir en paix? Et si j'avais rien d'autre à ajouter? Et si je crachais à la gueule de sa sainteté? Et si je tapais des rails pour m'envoler? Et si je volais vraiment au lieu de marcher? Et si je vivais une éternité? Mais je suis qu'un pion à durée limitée.